Le plan aujourd'hui à Assemblage requis. On sent Maxime Lemieux-Laramé qui vient de faire sa première chronique télécharge quoi de l'année. Et Martin Bertrand décortique le phénomène Second Life dans sa petite mythologie. Ça et encore plus à Assemblage requis tout de suite. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Ça va? Oui, ça va bien toi? Oui, grosse fête de semaine. Toi ou... Non, toi. Non, moi c'est assez tranquille. Ça ressemblait à une question ou ça ressemblait à un fait? Ben, il me semble que c'était pas un ton aussi intactif. Mais moi quand je pose des questions, ça a l'air juste bien normal, comme, tu sais. Okay. Comment ça va? Quoi de neuf? Tu sais. Bon, ben, maintenant que c'est spécifié, je peux te le dire, c'était tranquille comme fait de semaine. Cool! Bon. Ça, c'était pas une question, c'est juste, c'est cool. Aujourd'hui, dans l'émission, on va recevoir Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique Télécharge quoi, comme à chaque semaine. Maintenant, c'est les lundis, il va nous partager des nouveautés ou des choses qu'il a découvert là, ou te, même redécouverte. C'est ça? Le verbe, faut que tu l'accordes avec le... Ouais. Ouais, puis c'est une surprise aujourd'hui. D'habitude, on vous annonce un peu à quoi ça va ressembler, mais aujourd'hui, on sait pas, donc ça va être une surprise pour nous aussi. Il va venir nous faire des découvertes à nous. Mais, oui, à nous? À oui. Toi? À moi, à toi. Moi. Ouais. À nous. Et on... Arrête de me piler par-dessus. Je vais faire la même chose. C'est quoi? Non, commence pas ça. Tu fais souvent cette blague-là, Mathieu. Je pense qu'elle commence à être usée. Par... Ben, c'est un peu un synonyme de Mathieu Plante. Exactement. Usure, ouais. Ouais. On va aussi recevoir presque Martin Bertrand hein, avec sa chronique sur les petites mythologies, un sujet de la culture populaire analysé par lui-même. C'est sur le jeu et le phénomène Second Life. Ce sera plus tard dans l'émission, mais on commence en musique avec We Are Wolves. Oui, la pièce La Rue Oblique, tout de suite à Assemblage requis. Tout de suite? Suite. Là. Unfinished business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission. Vampire Weekend et la pièce White Sky, leur album Contra, sort demain en magasin, le 12 janvier, demain mardi. Vous êtes Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Kiwan et moi, Mathieu Plante, qui n'arrête pas de se demander de passer une belle fin de semaine, mais dans le fond, on n'a pas vraiment parlé du tout. Puis c'est comme des fois, on se demande comment ça va, mais tout le monde s'en fout. Des affaires comme ça, c'est vraiment la relation qu'on a ici à la radio. Là. Ça, ma grand-mère aurait pu être morte, puis tu m'aurais demandé comment ça va, en ondes comme ça, s'arrêter. Tout un manque de délicatesse. Tout à fait, Mathieu. Vraiment, c'est inacceptable, inconfortable et tout à fait bouche béante. Vraiment. Vraiment. Il y a des choses qui sont moins bouche béantes. Ben, en fait, elles sont bouche béantes tant qu'elles sont surprenantes et excitantes et exaltantes. Oui, comme quoi? Je sais pas, des affaires qui se passent, okay. Spectacle, trucs. As-tu lu le journal en fin de semaine? Moi, je sais pas lire, donc. Non, ok, t'as pas lu la presse? Non. Un article super intéressant dans la presse en fin de semaine, c'est vieux, là, mais bon, on est lundi, donc c'était dans la presse de samedi, je crois, ça se consulte très facilement sur cyberpresse.ca. C'est un artiste qui parle, entre autres, de Yann Perrault, mais pas directement de lui, en fait, parce qu'on parle d'une expérience, en fait, qui a eu lieu. Quelque chose qui se fait souvent, en fait. C'est un essai dans une salle anéchoïque. Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, explique-moi. C'est une salle où le son n'existe pas. C'est la structure de la salle, en fait, l'intérieur est isolé de l'intérieur de façon à ce qu'il n'existe aucun écho dans cette salle-là, donc il n'y a aucun son. Okay. Même les sons que tu produis toi-même, comme si tu tapes des mains, tu l'entendras presque pas. Mais c'est quoi? Il y a un genre de white noise qui genre passe par-dessus et annule le son, ou non? Non, mais vraiment, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui se passe, wow. Rien du tout. On entend... Certaines personnes disent qu'ils peuvent entendre le sang circuler dans leurs veines et leur son gastrique à l'intérieur d'eux parce qu'il n'y a vraiment aucun son qui se passait. Et puis en tout cas, un article très intéressant qui parle en fait de ces expériences-là qui ont lieu avec l'Université de Montréal, en tout cas un certain centre de recherche là, de l'Université de Montréal qui fait régulièrement ce genre d'expériences. Et puis Yann Perrault a passé le test. En fait, c'est une heure. Il a fait l'expérience. Il est allé là-dedans, ils n'ont pas joué sa musique dans cette salle. salle. Non, non, c'est ça. Pendant une heure, ils l'ont assis là-dedans. Puis, Yann Perrault, je ne sais pas si tu l'as déjà vu en spectacle, mais il est vraiment hyper énergique, hyper énervé. Il a l'air d'un paquet de nerfs. Mais en fait, ce gars-là est super, super zen. Hein. Il fait de la méditation. Et puis, il a déjà participé au dojo de Paul Pelletier. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais en tout cas, c'est une espèce d'activité un peu théâtrale, je dirais, expérimentale plutôt. Et puis en tout cas, c'est un gars très zen qui fait beaucoup de méditation. Puis lui, après une heure, il commençait tout juste à aimer ça. Il dit que l'expérience commençait. Il a dit qu'il aimerait ça passer une journée au complet dans cet état-là de silence complet. Mais il y a des gens qui virent fou aussi. Hein? Vous verrez l'article sur CyberPresse. C'est vraiment très, très intéressant. Yann Perrault, silence, ça se trouve assez rapidement. Il y a des gens qui peuvent pas supporter ça, là, même pas deux minutes. Là, ils deviennent complètement fous et puis ils peuvent pas rester là. Yann Perrault, lui, passerait une journée facilement dans cet état-là. D'ailleurs, c'est des expériences qu'il a déjà fait, lui, pour le fun, comme ça, Yann Perrault, comme passer 24 heures de silence dans un arbre. Donc, il grimpait dans un arbre, il choisissait son arbre, puis il devenait son ami pour 24 heures, puis il passait 24 heures en silence. Là. En tout cas. Je vais mettre le lien sur assemblagerequis.com pour ceux que ça intéresse, je m'en vais faire ça à l'instant. Parfait, puis nous, en attendant, on va écouter Yann Perrault avec le président Danse Autrement. Assemblage requis sur les ondes de C'est Fou, 89.1. Activité assemblage requis jusqu'à 17h. She's a Genius à Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui. Oui, qu'est-ce que vous regardez, les petits garçons? Non, rien. Une pochette. Tu ne me déranges pas du tout, Mathieu, mais non, justement, parlant de dérangé. OK. Maxime vient d'arriver ici en studio avec nous. Voici sa chronique Télécharge quoi. Ah, salut les gars. Salut, c'est qui que tu traitais de dérangé? Hein? Personne. Non, c'est parce que je pense que je le dérangeais. Ah, okay. Pas que je suis dérangé. Bon. Alors, salut Maxime. Bon retour au travail. Merci, on est de retour depuis nous déjà une semaine. Ouais, et je vous ai écoutés. T'étais pas là la semaine passée, mais t'avais, j'imagine, une bonne excuse. Ben oui, il n'y avait pas d'émission lundi passé. Ah, c'est une bonne excuse. Ouais, je suis rendu le lundi parce que j'étais à l'université le lundi, puis ça fait un déplacement de moins à gérer. Puis c'est ça, j'ai fait plein de découvertes musicales pendant le temps des fêtes, puis je suis venu vous en parler. Là. J'ai comme mes trois prochaines émissions de planifier. Là, mais... Fait que là, il peut plus se rajouter de nouvelles choses, ouais, parce que ça va aller à la fin. Il faudrait pas, c'est ça. Puis je vois que vous faites jouer un peu de Vampire Weekend. Oui. White Sky surtout, je pense. C'est très bon. Ouais, c'est surtout celle-là qu'on fait jouer parce qu'on l'aime beaucoup. Mais... On est très redondant aussi. Exact. Mais c'est demain, hein, je pense que ça sort. Ouais, demain l'album sort en magasin. Alors moi, pendant le temps des fêtes, je me suis procuré le CD de Health, santé. C'est ça, hein, santé. Santé, ouais. Alors Health, c'est un groupe de Los Angeles. Puis bon, je checkais sur Wikipédia, ça dit que c'est du noise expérimental musique. Là, moi, je trouve ça vraiment bon. Je trouve ça intense. Là, je sais pas. Moi, je l'écoute chez nous dans mes écouteurs, mais je sais pas si on peut écouter ça dans un party, c'est quand même, ça varge, là, tu sais, ah c'est, oui? C'est hard. Puis justement, ils disent dans la pochette, là, tu sais, je vais le dire en anglais, ben, « This record should be played at a minimum of 80 10 dB. Là. Il faut que tu écoutes ça fort. dB, mm-hmm. c'est décibels. Décibels, ouais. 90, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, là, mais ça doit être fort. Ils veulent qu'on l'écoute fort, hein, je pense. Uh-huh. Je pense pas qu'ils nous proposeraient de l'écouter... Un aspirateur, je pense que c'est 70. Ah oui? Bon, c'est plus fort que l'aspirateur. Tu peux l'entendre... Tu peux passer l'aspirateur puis écouter le CD. Il faut un système de son qui peut supporter des décibels comme ça, mais j'imagine que ça... Ben, commun, c'est ça. Fait que ben ça, on va écouter la pièce Die Slow. C'est sur l'album Get Color. C'est leur troisième album. Alors, c'est sorti au mois de septembre passé, 2009. L'année passée, 2009. Ben alors, c'est ça. Health. Télécharge quoi? Assemblage Rocky. Kiwan Mathieu. C'est fou, 89.1. Tic-tac-toe. C'est ça. Tu l'as eu. Ouais, t'as complété. Health avec la pièce Die Slow, l'album Get Colors. C'est des artistes de Los Angeles. LA! LA, California. Oh yeah! Alors, c'est ça, second artiste dont je veux vous parler. C'est Owen Pallett. C'est, dans le fond, c'est Final Fantasy. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais, un peu le nom, le jeu vidéo en particulier. Ouais, hein, mais c'est sinon, ça. Je sais qu'il y a un artiste qui s'appelle comme ça. Ouais, aussi. Final Fantasy. En fait, il y a déjà deux albums. Là. Il a décidé de revenir sous son nom. Son vrai nom, je pense. Okay, c'est le même artiste. C'est ouais, ça. C'est le même artiste. Puis il sort un album demain, en fait, qui s'intitule Heartland. Alors, c'est demain en magasin. Mardi. Demain, mardi. Et puis, c'est ça, il a fait beaucoup de collaborations. En fait, lui, je pense que c'est plus un violoniste. Puis, tu sais, il joue. En tout cas, j'ai vu un extrait maintenant à Mange ta ville. Il fait comme tout dans son groupe, mais tu sais, il enregistre, puis il pèse avec des pédales, puis il enregistre un. un extrait, puis là, ça continue à jouer, puis là, il continue un peu. C'est compliqué, ça. Quelqu'un pourrait dire, tu sais, quelqu'un qui voudrait être drôle pourrait dire qu'il y a une large palette d'instruments. Je me doutais que palette allait goûter. Ben, c'est ça, quand même. Mais c'est ça, puis je pense qu'il a fait plein d'arrangements pour Arcade Fire, puis d'autres artistes aussi. Là, je checkais sur Internet, puis vraiment une longue liste là, d'artistes avec qui il a collaboré, dont même Fucked Up. J'étais surpris parce que Fucked Up, ça varge, puis du violon, ben, c'est doux. Alors, on va aller écouter une pièce, mais c'est une pièce gratuite hein, sur son site. Oui, c'est ça. Ben, tout ce que tu as à faire, c'est entrer ton courriel et puis on t'envoie le zip avec le MP3 à l'intérieur de la pièce Lewis Takes Action. Lewis Takes Action du prochain album qui paraîtra demain dans vos magasins Heartland. Alors, c'est Owen Palette, un artiste torontois. Qui est Palette, c'est ça? Oh, c'est ce que tu voulais dire? Exactement. Moi, j'aurais dit d'aller voir sur le MySpace parce qu'il y a un très beau toupet. Vraiment, non? Excellent toupette. C'est pas un jeu de mots, c'est vrai. C'est pas juste drôle, juste de la vérité en plus. Hein, Kiwan? Pas juste drôle. Pas juste drôle. Incroyable, mais Mathieu n'est pas juste drôle. Il y a d'autres talents aussi. Vous êtes à l'assemblage. De dessin animé. Alors, c'est ça, Owen Palette, ex Final Fantasy. C'était quoi le nom de la pièce? Lewis Takes Action. Lewis Takes Action, qui va être sur l'album qui est en magasin demain, Heartland. Troisième artiste à découvrir, vous connaissiez déjà ça, on en avait entendu parler, il y a quelques extraits qui étaient sur MySpace. C'est Bateau Noir, collectif québécois, qui a sorti un maxi. Le maxi, si vous voulez vous procurer, c'est pas compliqué, vous allez sur MySpace, puis vous envoyez un courriel, en tout cas, suivez les indications sur MySpace, puis 10$ et c'est chez vous en moins de 2-3 jours. Puis c'est ça, c'est 6 pièces quand même, c'est considérable. Ouais, c'est un bon maxi, hein, tu sais, 6 pièces, c'est presque un album. Puis Bateau Noir, c'est ça, pour les définir un peu, Kiwan, c'est... C'est comme un regroupement de... Ouais, ça, c'est un regroupement de plusieurs artistes qui proviennent de plusieurs groupes francophones montréalais qu'on connaît bien ici. Ouais. Mais aussi, la première chose à dire, je pense que c'est instrumental. Hein. Ils n'ont aucune parole. C'est vraiment un choix. C'est pas parce qu'ils attendent de trouver un chanteur. Là, vraiment, ils ont choisi de faire un projet instrumental comme ça. Ouais. Ça a parti, ils jammaient dans leur local de pratique. Là, c'est surtout, en fait, Jean-François Minot et Pascal DJ qui jammaient comme ça ensemble, puis ont décidé finalement de joindre leurs amis pour faire quelque chose de concret comme ça, Bateau Noir, ça a donné ça. Puis finalement, ils ont décidé, je pense qu'au départ, ils voulaient pas vraiment faire un album. Puis j'ai même été surpris quand t'es arrivé avec l'album physiquement, avec la pochette tout. L'objet. Je pensais pas qu'il allait justement le sortir comme ça, un disque, mais finalement, oui. Pourquoi tu dis « je savais pas » Parce que tu savais pas ou parce que tu pensais qu'il allait garder ça juste pour le live? Ouais, je pensais que c'était vraiment juste un projet comme ça qu'il ferait en show. Ils ont fait plusieurs premières parties de Malajube. Entre autres, ouais. Et puis ouais, c'est ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils sortent. Même je pense que j'ai lu à quelque part qu'eux-mêmes là, étaient pas sûrs au début de vouloir faire un album. Okay. Là, il existe puisque tu l'as. C'est ça. Moi je le crois pas. Ben non, mais je l'ai. Ah bon. Et est-ce que tu voulais qu'on nomme exactement qui font partie du groupe? Est-ce que c'est juste peut-être nommer c'est quel groupe dont on parle? Oui, Jean-François Minot et Rémi Nadeau, on fait partie du groupe Bivouac. Pascal DJ, c'est le chanteur du groupe. Le nom, Julien Michalak, c'est le guitariste de Jacques Maure. Et Fred Sauvé, le bassiste de Hot Springs. Oui, c'est ça, c'est plusieurs groupes qu'on connaît. Ben, le chanteur que tu dis, j'imagine qu'il doit faire d'autres choses que juste chanter vu qu'il n'y a pas de paroles sur la musique. Moi, je pense qu'il y a trois guitares, une bass puis un drum. C'est ça. Okay. Exact. C'est minimaliste. Puis, Pascal DJ joue de la guitare aussi dans le nom, mais c'est le chanteur. Pour l'identifier, là, c'est le chanteur. Alors, la pièce que j'ai choisie, c'est Serpent et Échelle, qui se trouve sur leur maxi. La sauvagerie des heures. Ouais. Bateau noir. Dans? Ah oui, dans le bloc Télécharge quoi? À l'émission Assemblage requis. Avec? Kiwan Mathieu. Sur? C'est fou 89.1 dans... FM. Dans? Dans ta caméra, je sais pas. Dans tes oreilles. Dans ta caméra, je t'emmène. Ouais, Cadillac Rose. Nombre à toi. Mathieu les garde pour dormir aussi. Mes lunettes, ouais, ouais, certainement. Ouais. Fait que c'était Bateau Noir avec la pièce Serpent et Échelle, puis ça provient du maxi La Sauvagerie. Sauvagerie. Les heures. Les heures, c'est ça. Mais oui. C'est ça. C'est très bon. Alors, c'est tout pour ma chronique. Ça, je vais l'écouter au complet, ça. T'sais, des fois, je dis, je vais l'écouter à un moment donné, puis je pas le temps. T'sais. Celle-là, là, c'est sûr que ça va être. Je te le prête, puis tu m'en redonneras des nouvelles. Mais t'es fin. Ça fait plaisir. Bon, Maxime, le Mulleramé, tous les lundis maintenant, ici, à l'Assemblage Requis. Lundi vers 3h30. Est-ce que tu as une idée de quoi tu nous parles lundi prochain? Ouais. Je suis pas sûr. Est-ce que tu veux nous le partager? En fait, il y a une pièce. Il y a une pièce d'un groupe. C'est un peu comme Bateau Noir, là. C'est. Ça s'appelle Discovery, l'artiste s'appelle Discovery, et puis c'est le chanteur de Rara Riot, et puis le guitariste, claviériste de Vampire Weekend, qui ont fait ça, Discovery, puis c'est vraiment pop, là. Il va falloir que je trouve exactement, mais tu sais, il y a du synthétiseur, puis les voix sont modifiées, là. Mais il y a une tune, tu sais, j'écoutais ça avec ma copine, puis ma copine n'était pas capable. Elle trouvait que ça ressemblait à du Akon, genre, tu sais, avec la voix qui est modifiée. Mais il y a une tune maintenant que je mets, là, des fois, puis je la vois, elle danse sur la tune. Fait que la semaine prochaine, je vais mettre cette tune-là. Puis je vais vous faire découvrir ça. Puis plein d'autres affaires aussi, plein de trucs. Dont, Vivian Girls, tu connais ça, hein? Oui. Puis, c'est ça, j'ai un album qui est sorti là, à la fin 2009, fait que je vais parler de ça. Parfait, donc on t'attend lundi prochain pour ça. Ouais, salut. Vers les 15h30. 15h30. C'est pas retard, là. Ouais. Merci, Maxime. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiki, Wally et Mathieu. Et nous, on se quitte pour quelques instants à peine. On va entendre quelques messages publicitaires et au retour, plein de contenu. Un, OK. Deux, de musique. Trois, de Martin Bertrand. Est-ce qu'il s'en vient plus tard? Restez là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est comme un balai. Comme un balai. Comme un balai. Écoutez Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis. 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Johnny Scott Johnson, Assemblage Requis, c'est la pièce Shampoo qui est sur le palmarès anglophone en ce moment même. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, ça c'est l'émission du retour en pièces détachées, on est ensemble jusqu'à 17h. On continue avec une dernière petite pièce, puis on reviendra pour parler tantôt. Voici Air is So Light is Her Footfall. So light is her footfall. She walks like a bird. She's an angel. So light is her stranger, I wish I could help her, she's in danger. She's all alone, alone, alone, alone, alone, alone. Oui? Non? Oui? D'accord. Air So Light Is Her Footfall à Assemblage Requis sur les ondes de C'est Fou avec Kiwan et Mathieu. Oui, qui sont toujours là pour encore une heure. Et tu vas nous parler un peu, tu vas nous faire le résumé, Mathieu, de ce qui se passe cette semaine sur la télévision. Absolument, on the TV, hein? Pas super grand-chose, je trouve, sur, au moins, en tout cas, David Letterman, moi, je connais pas les noms. Hein? Je vois The Hot Rats, comme tout, The Low Anthem aussi, ça c'est mercredi et jeudi, ça c'est à David Letterman sur CBS. Au Jay Leno Show, pas grand-chose du tout musicalement cette semaine. Ensuite, à Conan O'Brien, Vampire Weekend est là ce soir, donc écoutez ça à 23h35 pour l'instant, pour Conan O'Brien. Sinon, qui d'autre? Lifehouse, vendredi. Jimmy Kimmel Live, The Mighty Mighty Boss Stones, ce soir. Mm-hmm. Catherine McPhee d'American Idol, jeudi. Non. Craig Ferguson, ils ont aussi Vampire Weekend, c'est jeudi que ça se passe, donc si vous voulez écouter ça, c'est sur CBS. Ils vont faire le tour pas mal, je pense, aux autres pour les prochaines semaines. Là. Exact. Même chose côté faire le tour pour les Hot Rats qui vont être vendredi à Jimmy Fallon. Keisha, mercredi, est-ce que t'as-tu vu Keisha? T'as Keisha. Une TikTok, hein? Elle a commencé à me taper ses nerfs cette semaine, elle. Ah, je suis okay. Comme en retard un petit peu. Ben moi, je la connais pas encore, je suis chanceux. Ouais. Ringo Starr, demain, à Jimmy Fallon. Quand même. Sinon, je regarde Carson Daly sur NBC. Il y a The Ravenettes demain. Et Pete Yorn jeudi. Voilà. Côté musique, c'est pas mal ce que je remarque. Weezer lundi prochain, quand même. Carson Daly. Okay. Après, moi, je voudrais en ajouter un petit peu. Mm-hmm. Sean et Brittany sont à sont au Feu de l'amour cet après-midi. Donc ça, c'est pour les Feux de l'amour. On fait pas de quiz aujourd'hui avec ça, c'est ça que et tu veux dire? Aussi, Donna et Jackie sont à Top Model. Donc non, c'est juste pour continuer ta liste de trucs qui se passaient sur la télé. Bon, pour moi, j'aurais pas à jouer à notre quiz sur les sauts. Et avoir l'air ridicule. Non, c'est pas vrai, t'es super bon, Adam. Merci, ben oui, un sur un, hein? Ben c'est bon, c'est 100%. Ben absolument, petite étoile dorée. Ben, parfait. Ouais. En passant, allez voir sur assemblagerequis.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et pour la balado-diffusion, alors que nous, on continue ça avec la musique de... Creature. Oui, Creature, qui vont faire partie de la programmation gratuite des Nuits Polaires, Festival des Nuits Polaires cette année, qui va avoir lieu du 29 au 31 janvier. Et c'est oui, toujours gratuit, mais ça change d'endroit. Hein. Avant, les Nuits Polaires avaient lieu au parc portuaire, ouais. Sur le bord du fleuve. Et là, cette année, ça va être au parc Champlain, dans le centre-ville. Plus petit un peu. Hein, plus petit, oui. Plus d'arbres. Il va y avoir peut-être des bancs. Oui, c'est ça. J'imagine la configuration va être peut-être un petit peu plus compliquée pour les spectacles. Surtout qu'on a des grosses têtes d'affiche. J'ai l'impression aussi que la programmation musicale a rajeuni un peu pour les gros shows qui sont gratuits. Là, il y avait tout le temps une petite portion sous la tente qui est un petit peu plus underground, un petit peu plus jeune. Mais là, vraiment, sur la grande scène, la scène gratuite, il va y avoir les trois accords le vendredi en spectacle gratuit et le samedi, Creature et Radio. J'ai l'impression qu'on veut peut-être rajeunir un peu. Mais j'espère que ça ne veut pas dire qu'ils veulent rajeunir les Nuits Polaires pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a d'underground au Festivois. Non, je pense pas vraiment que les deux programmations soient en compétition. J'ai pas l'impression, mais peut-être. Je sais pas. Et puis, c'est ça, si vous voulez savoir, connaître le reste de la programmation, parce qu'il n'y a pas seulement de la musique, là, si vous voulez connaître toutes les activités qui ont lieu pendant les Nuits Polaires, allez faire un tour au nuitspolaires.ca. Et puis, il y a vraiment un paquet d'activités. Je ne sais même pas toutes consultées encore. Je sais que l'année passée, il y avait on peut passer la nuit dans des Quincy, dans des igloos. Ah ouais. Et puis, moi, c'est une activité que j'adore faire. Et puis, je trouvais ça vraiment cool qu'ils puissent donner la chance à des gens qui sont pas initiés de pouvoir l'essayer. C'est sûr que c'est dans le centre-ville de Trois-Rivières, donc c'est un petit peu différent que d'aller le faire dans le bois. Mais j'avais trouvé ça vraiment chouette comme activité. Et que t'es un gars d'extérieur, j'admire ça, moi, vraiment, là. Tu vas faire un tour, toi aussi, Mathieu, sur lenupolaire.ca pour découvrir plein d'activités d'extérieur qui pourraient t'intéresser. Allez voir le site web, ça, je suis capable de faire ça. Capable de faire ça. Ça va être plus dur de te faire sortir à fin janvier, par contre, pour aller vraiment voir le festival. Ils font pas ça pour moi, je pense. Non, oui. Polaire, malheureusement. Peut-être que l'année prochaine, pourront le déplacer encore une fois pour le faire dans ton salon ou chez vous, je sais pas. Ben oui. Un jour. Tu as bien de la place pour nous recevoir. Donc, Creature, tout de suite? Oui, on écoute Creature. Quelle pièce? Assemblage Ricky. Bref. Pop culture? Ben, c'est ça que tu veux. Ben, je savais que tu voulais dire parfait. Ça. Moi, je t'ai vu venir. Toujours, moi, je te vois venir, là. Partout, partout. C'est sûr, je suis pas très loin. Mais... Non. De ton 89 FM, c'est fou! On a Marie-Chantal Toubin s'arrêter. L'occasion parfaite de faire cette chanson de Noël en retard un peu, tu sais. C'est l'hiver. Il y a des chansons d'hiver, j'imagine. Oui, mais tu l'as dit, en retard, vraiment en retard. Vraiment en retard, mais bon. T'as-tu vraiment le goût encore de taper de la... On n'a jamais le goût là, d'entendre la musique de Noël, mais tu sais, particulièrement pas au mois de janvier, à fin janvier. Là, mais... En tout cas, on parle des nuits polaires. Allez voir encore une fois nuitpolaire.ca. J'ai mis le lien sur l'assemblagerequis.com pour ceux que ça intéresse. C'est du 29 au 31 janvier. Bon, il n'y aura pas de Marie-Chantal Toupin cette année. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. Il y en a une deuxième dans quelques minutes, juste après la prochaine pause publicitaire. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième heure, Martin Bertrand? Oui, principalement. Surtout. Surtout. Et plein d'autres choses. Assemblage Requis, restez là. Plein. C'est fou dans ton char. 89-1-1-1. Bon retour et bienvenue dans la deuxième heure de l'émission Assemblage Requis en compagnie de Mathieu Plante et de Kiwan. Kiwan! Dans cette deuxième heure, on va entre autres parler de... En fait, on va entre autres vous présenter la capsule des petites mythologies de Martin Bertrand. Oui, on va analyser Second Life, là, le jeu vidéo là, là, que tout le monde adore, là, qui vivent une autre vie là-dessus et se marient, etc., etc. Est-ce que c'est plus le nom d'un concept ou vraiment du jeu en tant que tel? Ben, ça parle de tout ce qui entoure ça, ouais, mais okay. Entre autres le jeu et aussi le concept. D'accord. Et on va aussi parler, d'ici la fin de l'émission, on va parler un peu de cinéma. Ah, dis-moi donc! Et il va y avoir aussi de la très bonne musique. Oui, bien sûr. On va aussi faire une petite chronique, c'est un fait, tu sais, où je présente des petits faits comme ça, cocasses et divers, et puis on en parle, puis on est drôle, puis c'est bien fun. Parfait, mais tout de suite, on s'en va en musique avec... Et les Fantines, voici debout, dans la file, ce sont les palmarès francophones de C'est fou. Oui, ils vont être mardi prochain, le 19 janvier, au Mardi Live du Gambrinus, ici à Trois-Rivières. Ben, gadon. le hit Chez Candy. C'était Patrick et les Brutes sur les ondes de C'est Fou. Vous écoutez Assemblage Requis. Oui, juste avant Patrick et les Brutes, on a entendu Elephantine avec la pièce Debout dans la file. Debout dans la file, exactement. Un autre hit. Oui, un autre hit mondial. Ouais. Et je disais au début de la pièce, les Fantines vont être au Mardi Live du Gambrinus à Trois-Rivières. Mais mardi, la semaine prochaine, en fait, le 19 janvier. Mais d'ici là, il y a une autre soirée des Mardi Live. C'est demain, mardi le 12 janvier. Et c'est un groupe dont on a déjà reçu un membre ici en entrevue. Le groupe A Hard Day's Night. C'est un jeune groupe pop-punk. Il y a beaucoup de P là-dedans. Un jeune groupe pop-punk. Puis c'est ça, on va écouter une pièce tout de suite du groupe A Hard Day's Night. La pièce s'appelle Over It et ils vont être demain soir au Gambrinus. Est-ce que tu t'es acheté des nouvelles mitaines, Kiwan? Non, je les ai reçues à Noël, en fait. Ah oui? Ouais. Elles sont belles. Elles sont très belles, hein? Je suis jaloux. Ouais, je l'ai juste remarqué qu'il y avait, ça avait l'air d'être une marque québécoise. Tu sais, ça s'appelle Eau Claire. OK. Je vérifie voir s'il était fait ici au Québec, mais non, malheureusement. Ah, dommage. Où ça, ils sont faits? Devine. En Chine. Exactement. Toujours pareil. Attends, même les compagnies qui viennent de peu importe où dans le monde, les compagnies américaines, canadiennes, font tout faire là-bas, font. Il leur donne tout le temps un nom québécois pour se fitter avec... Ouais, pour nous avoir, là, pour qu'on ait l'impression de faire des achats sensés. Mais non. C'est pas fin. C'est pas net. C'est pas net. C'est pas clair, au clair. Cet assemblage requis, maintenant, c'est l'heure de parler de quelques faits, des choses qui sont vraies, factuelles, on pourrait dire. C'est un fait. C'est... Parce que c'est sérieux. C'est un fait. Savais-tu que dans la Rome antique, tu connais la Rome antique? La Rome antique. Ah, la Rome la antique. La Rome antique. Pour prêter serment, les Romains antiques, comme on pourrait les appeler, mettaient leurs mains sur leurs testicules. C'est original. Je te le jure. Pouing! C'est bien. Ah, ben moi, je trouve que c'est une belle tradition qu'on devrait réinstaurer. Ben vraiment, là, à la place de serrer la main, pas la poche de l'autre. Vraiment, ben non, mais non, peut-être pas jusque-là. Pas trop de proximité. Non, un peu de gêne. Non, mais il y a plein de vieilles coutumes comme ça qu'on a perdues, je trouve ça dommage. Ouais. Parlant de testicules, dans ces environnements-là, le plus petit pénis humain qui a jamais été enregistré, là, c'est un fil, mesurait 5/8 de pouce. Sur un être adulte. Sur un... Ouais, ben, oui. C'est sûr. Sur un enfant, ça n'aurait pas compté. Il faut attendre qu'il soit complètement développé. Non, mais là, ouais, 5/8 de pouce. Je sais bien. Quand même. Le premier condom qui a été breveté devait être réutilisé. Il était fait pour être réutilisé. Ah. C'était sa raison d'être. Il était réutilisable. Ben, moi, toi, tu vois, tantôt, on parlait de choses qui redeviennent à la mode, là, comme ouais. la coutume du paquet, tout ça. Mais chose que ça avait de revenir, ça, le condom réutilisable, parce que c'est dans l'air de la tendance écologique. Mais ils n'auront pas le choix, parce qu'il y a bien des gens, je vois ça sur des sites de questions-réponses, les gens demandent des questions, et puis les gens répondent. Ben, il y a des gens qui demandent, tu sais, c'est-tu normal que je tombais enceinte, j'ai réutilisé mon condom? Non, non. Les gens savent pas. On dirait que tu n'es pas supposé réutiliser un condom. Ils lisent pas les instructions bien, les gens, des fois. Fait que donc, peut-être qu'ils vont être obligés de le faire. C'est la force des choses. Ça crée une nécessité, si on veut. Ah. Ouais. Si tu sais, quand tu joues à pile ou face, hein, si tu le fais 10 fois de suite, hein, les chances que tu aies le même côté à chaque fois, d'accord? À chaque fois. Que tu aies 10 fois, mettons, pile. C'est exactement ça. Sont de 1023 contre 1. Tu le fais 10 fois de suite, d'avoir le même côté, là, pile 10 fois, 1023 contre 1. Mathématiquement, c'est ce que ça dit. Les bébés commencent à rêver avant même de naître. Dit-on. Ça doit être quand même dur à évaluer, ça. Mais psychologiquement, les scientifiques, là, ils ont fait des tests apparemment que les bébés commenceraient à rêver avant de naître. Quand même. Si tu lèves tes jambes rapidement, tout en étant sur le dos, tu restes sur le dos, tu fais aller tes jambes, tu les lèves tranquillement, très tranquillement, tu les lèves vers le haut, tes jambes alors qu'elles étaient sur le dos, tu ne pourrais pas te noyer dans du sable mouvant. Ah, c'est pratique, ça, toi. Très, très, très intéressant comme conseil. On s'enseigne des choses, on apprend. Dans plusieurs pays, l'urine était utilisée comme détergent pour faire le lavage dans plusieurs pays dans le passé. De l'urine. Bon. Aux États-Unis, plus de 10%... Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, mettons, pour laver des culottes qui auraient été souillées par l'urine? Ah. La relaver avec de l'urine, il me semble que c'est pas cohérent. J'avoue. Il y a peut-être quelque chose d'autre ça qui s'appliquait peut-être seulement aux taches d'urine, peut-être qu'ils prenaient d'autres choses. On n'ose pas trop. C'est ça, on n'ose, non. T'as beau me le mimer avec ta bouche, non, je comprends. On a tout compris. Non, ça marcherait pas, je pense. Non. Aux États-Unis, plus de 10% des prix gagnés à la loto ne sont pas réclamés. Combien de pourcentage? 10%. 10%? C'est beaucoup. Mais ça veut dire qu'ils savent que ça a été gagné, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que... Je connais pas trop la loto, je sais pas comment ça marche. Mettre un petit code en bas là, que tu peux révéler, ben ça c'est parce qu'eux autres, ils savent combien de billets gagnent sur les billets qu'ils ont imprimés. Donc, ils savent que 10% des prix ne sont pas réclamés. Est-ce que c'est des gros prix, des plus petits prix? On sait pas trop. J'imagine que quand c'est pour un grand enjeu, comme mettons la 649, tu sais que tu gagnes un certain nombre de millions, j'imagine que tu vérifies ton billet. Donc peut-être que c'est peut-être plus des petits prix, mais on ne sait pas, c'est pas dit. On estime que des millions d'arbres sont accidentellement plantés par des écureuils qui enterrent leurs noix et oublient où ils ont caché. Là, il y a un arbre qui pousse finalement. Oui. Pour vrai. Pour vrai. Les kilts, tu connais les kilts? Oui. La petite jupe là, les hommes portent. On pense tous que ça vient d'Écosse. Mais non, c'est originaire de France. Ah. C'est vrai. C'est juste que les Écossais aiment beaucoup ça, c'est ça? C'est ça, c'est plus chic sur eux aussi. T'sais. Moi, ça leur fait mieux qu'aux Français, je sais pas. Non? Je sais pas. Non. C'est toi qui affirmes ça, là. Ça, c'est une disposition. Le kilt va mieux. C'est comme ton opinion. Ça va avec leur ensemble, parce qu'avec l'instrument, c'est quoi l'instrument avec les livres? C'est à ton opinion, en fait. Là. Tu trouves que le kilt va mieux aux Écossais que tu connais, dans ton entourage. Ben là, oui. Les Écossais portent mieux le kilt que les Français. Mais c'est parce que le kilt, c'est un personnage. La personne qui porte un kilt, pour moi, c'est un personnage, l'Écossais, avec son instrument. Comment on appelle ça? Dis-moi le nom de l'instrument. C'est une. J'ai juste le mot pipette dans la tête. Pipette. Tu qui joues la pipette? Cornemuse. Cornemuse, bien sûr. Non, mais je trouve que ça fit beaucoup mieux qu'avec un Français de tous les jours. Mais bon, il n'y a personne qui porte le kilt de place. Le cuir, tu sais, ça a une odeur. C'est l'odeur, le cuir. Tu sais, ça sent le cuir. Hein? Mais c'est qu'en fin de compte, le cuir, la peau de cuir, ça n'a pas d'odeur. L'odeur vient du matériau qui est utilisé pour le faire bronzer, si on veut. Parce qu'à la base, si on remonte au fait que le cuir, c'est de la peau d'animaux, ouais. Ça doit pas sentir vraiment le cuir, effectivement. Ça doit plus sentir l'étable, j'imagine. Ouais, c'est ça. Plus de 10% du sel mondialement est utilisé pour déglacer les routes américaines. 10% du sel partout dans le monde. C'est beaucoup. Mmh. En moyenne, 100 personnes s'étouffent à mort avec des crayons, des stylos par année. Par année? 100 personnes, des stylos à billes. 10 personnes, 100 personnes par année en moyenne meurent. Shit, c'est quand même presque une cause importante de décès, le stylo à billes. On devrait en parler un petit peu plus, oui. Ben oui. Il devrait avoir, je sais pas, une fondation, quelque chose. La fondation des gens qui s'étouffent sur leur stylo. Parce que d'après moi, là, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de morts reliées au stylo, si tu me dis ça, que par exemple au cellulaire au volant, sûrement. Ah. Mais il n'y a pas de loi qui interdit l'usage du stylo. Je trouve pas que c'est très cohérent, non, moi, dans la vie. Du tout. Savais-tu que le mot nouvelle, news, N-E-W-S, est en fait un acronyme qui veut dire nord-est, ouest, sud, les quatre points cardinaux? Ah! C'est ce que ça me dit sur le compte de twitter.com/omgfacts. C'est là que viennent ces faits-là qui apparemment sont prouvés. Je vais pas faire la recherche sur chacune d'entre elles. C'est quand même douteux, je trouve. C'est pas. Douteux. Ben oui, tout à fait que c'est douteux. Mais en même temps, sinon, le mot nouvelle vient d'où, tu sais? Peut-être d'un latin, d'un mot latin. Newsius. Ben, je sais pas, mais on peut se poser la question sur l'origine de chacun des mots aussi. Exactement. Là, maintenant, faut qu'ils les inventent. Ils ont tous des racines. Ouais. Le mot taxi est appelé pareil en anglais, en allemand, en français, en suédois, en espagnol et en portugais. Taxi, même mot, partout. Partout, partout. Qu'est-ce que ça veut dire, T-A-X-I? C'est ça. Non, c'est une autre bonne question. Et il n'y avait pas de ponctuation avant le 15e siècle. Ça n'existait juste pas. Et finalement, Walmart génère approximativement 3 millions, donc c'est 3 avec 6 zéros, puis 1 point et 2 zéros pour les cents, hein, en revenus à chaque 7 minutes. 3 millions de dollars à chaque 7 minutes. De revenus, ça, ou de ventes? De revenus. Revenus, vraiment. De revenus. Revenus. Revenus. C'est beaucoup? C'est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà donc pour des faits qui, j'espère, vous ont éduqué un peu. Hein? À un moment donné, des faits divers comme ça, on en mange. Je pense que j'en mange. Je pourrais pas vous dire combien j'en mange par minute. Hein? Non. Dans ce cas-ci, c'est pas mal, je trouve. Quelques ma portion uns. Est... Quelques-uns par minute. Mon appétit est rassasié. Bon. On continue en musique avec Flat qui, eux, épellent leur nom avec des points en chaque. Donc, c'est peut-être comme news. Peut-être que ça veut dire quelque chose, Flat FLAT. Ouais, faudrait leur demander un jour, hein. FLAT. Bref, voici la pièce Sexy Délic. Assemblage requis au 89.fm. C'est fou dans vos oreilles. De l'horloge infernale, à la fin du cycle, tu seras. écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Je vous avertis, par exemple, que j'allais ouvrir le micro. C'est pas comme si c'était une surprise qu'on venait en onde. Okay, ben non, je suis pas surpris, moi. Ben, je suis tout à fait à l'aise avec ça. T'as pas l'air surpris du tout. Nicolas non plus, qui anime l'émission L'Inconduit de partie demain, mardi. On parlait de la triple fin des Mighty Ducks. Là. Ouais, ben qu'est-ce qu'il y a dans les Mighty Ducks? Une controverse ou c'est juste un fait divers? Ou qu'est-ce qui se passe là-dedans, Mighty Ducks? Moi, je connais pas ça. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas vu de film dans ma vie. Ah, écoute, les Mighty Ducks va rester un classique pour tout jeune garçon ayant joué au hockey, toute jeune fille aussi ayant pratiqué le doux sport du hockey. Donc, on s'interrogeait, à vrai dire, pourquoi Gunnar Stahl avait été du côté de la mythe quand il aurait pu y aller du côté du bloqueur. Toi, Matt, je sais que t'es pas un fan, donc c'est pour ça que t'allumes pas, mais... Je suis pas dans le groupe Facebook non plus. Là. Ouais, t'es pas dans le groupe Facebook aussi de ça, mais je suis sûr qu'il y en a plein à la maison qui est dans leur voiture présentement, qui se roule un petit peu en dedans en comprenant la ligne. Ça fait mal à l'estomac. Ça fait mal à l'estomac, ouais. C'est pas facile. C'est une situation qui est difficile à comprendre. Pourquoi l'Islande n'a pas remporté ce championnat? Des jeux juniors Goodwill? Des jeux juniors Goodwill? D'accord. Bon, j'imagine qu'il va y avoir un long débat là-dedans à l'inconduit de partie demain. Du tout. Mais on a une très grosse émission demain. Hey, tu me fais une plug, t'es génial, toi. Demain, très grosse émission, à vrai dire. On va parler, c'était la période d'échange qui se terminait dans le junior majeur. Donc, il y avait des équipes acheteuses, des équipes vendeuses. Ça s'est terminé, justement. Il y a beaucoup de mouvements dans la ligue. On va tout analyser ce qui s'est fait. En plus, c'était la fin de la saison dans la NCAA, les bowls aux États-Unis. Donc... On va toucher à ça. On parle des Patriots qui étaient en France et qui recommencent la deuxième partie de saison ce mercredi, cette semaine. Donc, va être très intéressant. On va parler à Jacques Laporte aussi, entraîneur des Patriots. Donc, très grosse émission demain. On va avoir beaucoup de contenu. C'est à partir de 9h. 9h, de 9h le matin jusqu'à 11h. Aussi le matin. Si tout va bien. Oui, c'est aussi le matin. Je ne fais pas le marathon. N'oublie pas de mettre ton cadran. Ça, oui, on met toujours le cadran parce que sinon, je reçois une inconduite de partie de la porte de la station. Quel calembour. Donc voilà, l'inconduit de partie.com. .com, oui, si vous voulez aller sur mon blog, l'inconduit de partie.com. .com. Nicolas Ducharme. Thank you, boys. Very charming, thank you. Bye. Toujours à l'inconduit. À l'inconduit, oui. À Assemblage Requis. Oh, un point de moins pour moi. Non, on l'entend pas quand t'applaudis, par contre. On pourrait être 15 dans le studio, puis ça paraîtrait pas pantoute qu'on applaudit. C'est le même. Un micro d'ambiance, un moment donné. Ben oui, je sais bien. Pas t'avoir l'envie, là. On n'est pas un match de hockey de whatever équipe de Goodwin de Junior. Oh, on pourrait avoir comme, tu sais, des tunes là, pis tu sais, applaudir, pis... À ton émission, peut-être. À la nôtre, ouais. Ah, excusez. Tu sais, des gars, ça se prend au sérieux, eux autres. On a une quotidienne. Je m'appelle Mathieu Plante, je fais 20 heures de radio. 14, excuse-moi. On a des uniformes aussi. Ouais, les uniformes que vous avez achetés. Là, vous avez des toutes nouvelles chaises, est-ce que je peux voir. Elles sont très confortables. Ouais, mais ramenez-les pas dans vos bureaux quand vous avez terminé. Nous aussi, on a besoin de ça, des chaises dans le studio. Espèce de sarf. Sarf. Ça se plaque bien, sarf. Ouais. Kiwan. Oui. On n'a pas de foule en arrière pour nous applaudir, mais on sait que les gens sont là quand même jusqu'à 17 ans. Je suis pas sûr si non plus on aurait mérité une acclamation là-dessus. Une ovation debout. Mais c'est pas grave. Pas vraiment. On va aller écouter de la musique tout de suite. Oui, voici Orange Orange, Montréal à moi. Qu'est-ce que t'en penses? À l'émission Assemblage requis, ta-da, Mathieu. Ta-da, ta-da. Non, ça c'est la... C'est quoi ça? Non. Non, tu vois. Tu vois, ça, j'accepte pas ça du tout. Dehors de notre studio! Tout de suite. Go, go, go, go. Comme le go musique se fait remporter par les gardes de sécurité. Go. Et voilà, porte qui claque, c'est gagnant. Montréal à moi, sur Assemblage requis. Mm-hmm. Ça, ce bout-là, là, on dirait genre une émission qui t'apprenait avec les petits robots, là, c'est genre à Télé-Québec ou je sais pas trop quoi, une petite émission dans les années 80, genre science, technologie, je pense. Ah, ça me dit rien. Ah, en tout cas. Donc, toujours assemblage requis. Parlons cinéma un peu, Kiwan. Oui, ben, tu savais, est-ce que tu savais qu'il allait avoir une adaptation cinématographique du roman Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal? Je connais ni l'un ni l'autre. Bon, non, ok. C'est bon, pas vrai, je sais que Patrick Sénécal, okay, quand même. Ouais, il y a déjà deux de ces romans qui ont été adaptés au cinéma. Il y a eu Sur le Seuil, qui avec entre autres Michel Côté, qui avait eu un très grand succès au box-office. Et dernièrement aussi, il y a eu 51-50 Rue des Hommes, qui a été un petit peu moins acclamé, en tout cas par la critique. J'ai pas lu, en tout cas, les critiques que j'ai eues étaient pas super bonnes. Donc, pour l'instant, c'est comme pas un succès total pour ce qui est des adaptations cinématographiques des livres de Patrick Sénécal. Mais là, il y en a un prochain qui va être adapté, c'est Les 7 jours du Talion. Moi, j'ai lu quelques-uns des livres de Patrick Sénécal et j'avoue que Les 7 jours du Talion, c'est un des meilleurs que j'ai lu. 51-50 Rue des Ormes, tu vois, moi, j'avais pas aimé le livre, donc j'ai même pas été voir le film, surtout qu'il n'y avait pas des bonnes critiques. Mais en même temps, tu sais, la plume de Patrick Sénécal, c'est pas non plus. C'est particulier, je dirais. Là. C'est du livre d'horreur, et puis c'est très descriptif. Là. Il n'y a pas beaucoup d'images là-dedans. Là. C'est vraiment. C'est très pragmatique comme écriture. C'est de l'horreur, tu sais. Donc, ça n'a pas le choix un peu. Là. Et Les 7 jours du Talion, je trouve que l'histoire se prête bien au type d'écriture, justement, de Patrick Sénécal, parce que c'est très, très. C'est une histoire qui pourrait être d'actualité. Là. Ça parle de pédophilie et de meurtre, donc c'est quand même actuel. Mais un peu actuel, pas mal n'importe quand dans la vie de tous les jours, de toute la vie qui existait jusqu'à maintenant. Pas dans nos vies personnelles, non. Mais non, mais de toute façon, je voulais pas vraiment parler du film. Je voulais juste dire que le film a été acheté. Les droits ont été achetés par les Américains. Je sais plus quelle compagnie de production qui va produire le film aux États-Unis. Ils sont tous pareils. Et le film va sortir ici en salle le 5 février, puis va être lancé dans plusieurs festivals au mois de janvier. Donc, c'est un peu la petite appendice cinéma, parce que ce dont je voulais réellement vous parler côté cinéma, c'est plutôt des nouveautés de l'ONF, parce que, vous savez, à chaque année, depuis 12 ou 13 ans, je pense que c'est la 13e année dans ce coin-là environ, que l'ONF, l'Office national du film du Canada, à chaque année, quand ils sortent les nouveautés, les nouveaux documentaires, les nouveaux films d'animation pour l'année en cours, font une petite tournée avec ça. Ils vont dans plusieurs régions du Québec et ça s'arrête à Trois-Rivières depuis ça une 12-13aine d'années. Et ça commence cette semaine, demain soir, la première représentation. C'est à la salle Anaïs Allard-Rousseau de la Maison de la Culture, ici à Trois-Rivières, et c'est gratuit. C'est à 19h30 demain, donc 7h30 demain soir. Premier film qui est présenté, c'est Roadsworth, Franchir la ligne. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Roadsworth? Du tout. C'est le nom du film, mais c'est aussi le surnom du sujet principal du film, qui est un artiste qui s'appelle Peter Gibson et qui fait des œuvres d'art urbaines dans la rue. Mais vraiment, c'est vraiment dans la rue, littéralement. Okay. Il s'inspire des lignes qu'il y a par terre, les lignes sur la chaussée, sur les routes ou un peu partout. Tout plein de choses qui font partie des infrastructures des villes et puis fait des œuvres d'art avec ça. Et il y a un documentaire qui a été fait sur lui parce que c'est quand même controversé, parce que légalement, c'est un crime. C'est dangereux, vandalisme. Ça. Ça peut être dangereux aussi. Donc ici, c'est ça, il croule sous les poursuites, sous les amendes des villes un peu partout. Puis ben, c'est quand même un artiste acclamé partout à travers le monde pour son travail. Et puis un film qui a été fait sur lui qui s'appelle Roadsworth, Franchir la ligne. C'est diffusé demain soir, mardi, à la salle Anaïs Allard-Rousseau à 7h30 demain soir. Et c'est gratuit. Donc ruez-vous sur les places. Pas cher. Il va y avoir après ça, je vous en parlerai. Je pense qu'à tous les jours, je vais vous parler du film en cours parce qu'après ça, il y en a à tous les jours pendant environ 2 semaines. Il y en a du mardi au jeudi pour les 2 prochaines semaines. Donc, en tout cas, je vous en reparle à chaque jour. Soyez à l'écoute d'Assemblage requis, toujours du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Maintenant, Kiwan, c'est le moment d'écouter une petite mythologie de Martin Bertrand parce qu'à chaque semaine, tu sais peut-être, sur le même mode que les mythologies qu'avait fait Roland Barthes en 1957, eh bien, Martin Bertrand présente des capsules sur différents produits de la culture de masse qui opèrent comme symbole, voire icône de la société contemporaine. Et on écoute une capsule tous les jeudis ici à Assemblage requis. On est rendu à la capsule 2 de la série 2. Voici Second Life. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand, sur les ondes de C'est fou. Second Life. Lieu de tous les échanges, Second Life est un métavers ou un univers virtuel où se dirigent les utilisateurs afin de troquer leur vie réelle pour une vie numérique. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un jeu, en ce qu'on n'y propose aucune finalité, autre que celle que les utilisateurs y déploient. Le mouvement a pris beaucoup d'ampleur depuis que le concepteur Lyndon Nabb a mis sur le marché ce métavers en 2003.

Le chat du café par Charlotte Gainsbourg. Le chat du café des artistes, même, je te dis. Des artistes? Arrête-moi ça, c'est tellement mal écrit, cette affaire-là, ça n'a même pas d'allure. Ouais, c'est pas évident. Oui. Les pochettes d'albums écrites à la main ou écrites avec tout plein de pantoufles. Moi, j'aime pas ça. Juste personnellement, j'aime pas ça. Non, mais tu sais, c'est beau comme objet, là. Comme, ouais. Tu sais, c'est artistique, c'est beau. C'est un bel objet, un disque écrit, peu importe de la façon, tu sais, les façons les plus originales possibles. Mais quand on fait de la radio et qu'il faut absolument lire le titre ou qu'il faut le chercher à travers le feuillet parce qu'ils sont pas. Numérotés. Wow. Ouais, ou dans l'ordre ou sur différentes lignes. Bref, bravo Charlotte Gainsbourg pour l'album. Moins bravo pour la couverture derrière. Chose pas elle qui a décidé, de toute façon, non. Pour la pochette. C'est pas nous qui avons décidé de revenir demain à 15h, mais on va être de retour. Soyez-y avec, entre autres, la chronique plein air d'Émilie Gauthier dans c'est l'émission. Sa première chronique de 2010. Absolument. Il va aussi y avoir une chronique technologique CNX. À venir sur nos ondes, c'est bien sûr Donne-moi le goût qui commence dans quelques minutes à 17h. Ensuite, changement à l'horaire. Hein, je vous avertis tout de suite. L'émission Krautrock déménage à 18h à partir d'aujourd'hui. Donc, soyez à l'écoute pour ça. Puis, il y aura le voyage insolite à 19h. Passez une excellente soirée, Kiwan. Bonne soirée à toi. Salut, à demain, Mathieu. On se quitte avec Polype. Oui, la pièce Lumière t'exagère extra leur nouvel album. Bye. Bye bye.